Et tout ça. Bah, je crois que c'est le destin. Foncé d'après les analyses, tu veux savoir ce qui s'est passé depuis. Je te dirais que je vois plus beaucoup la famille et qu'il faudra 10 millions pour me rassasier. Rouge ou noir, je suis dans le casino. Je n'ai pas du tout besoin d'allier. Je les entends tous parler de casier, mais ils n'ont rien du tout des millions. Caviria, je suis prêt à jurer, je suis prêt à jouer, pas prêt d'avouer, je suis dans la durée. T'as rien à dire et tu sais qu'on est doué. Aujourd'hui la dalle est remplie de disques d'or et le daron est plus que pour noirer le cœur. Derrière la veste en cuir, comment veux-tu qu'on reste cool? Les policiers veulent nos kilos et ma chérie veut des calots. Mais je reviens d'un concert en Afrique, je suis un peu trop décalé. Décalé de 4 à 6 heures selon le pays. Et l'argent n'a pas d'odeur, mais chante t'as pas un. Les ravisseurs demandent d'une rançon comme dans la série. Et quand les glocks touchent les mentons, les langues se délient. Le respect c'est coûteux comme la cam, j'ai rêvé d'être fouteux comme Beckham. La chétane, la vengeance est glacée et le casque est intégral. J'suis dans le placement, t'es dans la perte, j'suis dans le classe 1 ou dans le classe. Et puis j'ai trouvé ma place, au milieu des singes, au milieu des hajels. Au briquet j'ai gravé mon blaze dans l'escalier. Trop de poids sur le dos, bientôt la scoliose. Regarde nous dans les yeux si tu veux parler affaire. Sinon ça vaut R, Paris, Rotter. Allez R, allez R. Transforme la BR en chiffre d'affaires, mon frère. Tu connais le danger, tu connais aussi les prix chez D et G. Employé deviendra PDG, classe business à CDG. Le savoir est une arme et j'avais des munitions plein la tête. Et si t'es prêt à gagner, c'est que t'es prêt à perdre. C'est nos vies qu'on joue gros, donc je suis toujours au fourneau. C'est la frappe que l'on fournit et le vase tient qu'à une goutte d'eau. Le savoir est une arme et j'avais des munitions plein la tête. Et si t'es prêt à gagner, c'est que t'es prêt à perdre. C'est nos vies qu'on joue, gros. C'est nos vies qu'on joue, gros. Je suis toujours au fourneau. C'est la frappe que l'on fournit. Oui. Et le vase tient qu'à une goutte d'eau.